La colère de Dieu est due à l'existence de l'injustice qui harcèle l'humanité, à l'existence des ténèbres et du mal, ainsi que des choses qui chassent la vérité ou celle qui s'oppose au bien. La colère de Dieu est le symbole de la fin, de toutes les choses mauvaises. Et mieux, le symbole de sa sainteté. Dieu se plaît de voir la justice et la lumière venir dans l'amour, et de voir les ténèbres et le mal détruit son plaisir, et d'apporter lumière aux hommes et beauté dans leur vie. Son plaisir est juste, c'est le symbole, le symbole de toute chose positive, le symbole de bon augure, le symbole de bon augure, de bon augure. Dieu est triste car l'homme pour qui il a espoir est dans les ténèbres. Son œuvre sur l'homme ne satisfait pas sa volonté. Tout homme aimé ne peut vivre en lumière. Il se sent triste pour l'humanité innocente, pour les hommes honnêtes mais aveuglés, pour les hommes bons mais qui sont sans conviction. Sa douleur est un symbole de sa bonté, sa miséricorde de beauté et de bienveillance. Dieu se plaît de voir la justice et la lumière venir dans l'amour, et de voir les ténèbres et le mal détruit son plaisir, et d'apporter sa joie est de vaincre ses ennemis, gagner le vrai cœur de l'homme, expulser et détruire toutes les puissances ennemies, voir l'humanité vivre une belle vie paisible et sereine. Sa joie est différente